Le rôle caché des vaccins. Selon le calendrier de vaccination de l'Institut Robert Koch, RKI en abrégé, les nouveau-nés doivent être vaccinés à partir de la sixième semaine. Le RKI et les scientifiques de l'autorité sanitaire américaine CDC recommandent aux mères d'arrêter temporairement l'allaitement. De cette façon, disent-ils, l'efficacité de la vaccination orale contre le rotavirus peut être renforcée. On dit que le lait maternel contient beaucoup d'anticorps qui peuvent neutraliser immédiatement le vaccin. Ils écrivent dans l'étude des CDC, plutôt que de renoncer au vaccin pour que le lait maternel immunise le bébé et le rende en bonne santé, les mères devraient renoncer au lait maternel et faire vacciner le bébé à la place afin que les vaccins puissent faire leur travail. La question est de savoir quel est exactement ce travail des vaccins sur les enfants, alors que l'effet immunisant du lait maternel est manifestement beaucoup plus fort. N'y a-t-il pas quelque chose qui est manifestement caché ?